Mais bon, mais non, pourquoi? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, donne. Yeah. Vas-y, donne. Yeah. Vas-y, donne. Yeah. Ok. Oh, Skicker Mike. Yo. Skicker Mike. J'kick le microphone tous les jours, toi-même tu sais, j'kick le mic. J'kick le mic, yo. J'kick le mic. J'kick le microphone et tu le sais. C'est facile d'être violent, beaucoup moins d'être sincère. Ne pas mourir, ce n'est qu'à ça que le maître sincère. On peut tous finir, l'âme dans les viscères ou partir à l'asile pour un problème d'hémisphère. Moi la folie me guette, veut me tromper. C'est pas joli mais c'est vrai mec, c'est concret. Un jour mes démons viendront me tenter, je le sais depuis que mon padre à l'HP est entré. Yeah.